Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les crimes sordides de la famille Manson. Charles Manson et les trois filles de sa tribu ont été condamnés à mort par le juge Charles Holder, qui a présidé les procès des meurtriers de l'actrice Sharon Tate et de six autres personnes. Le meurtre de l'actrice Sharon Tate est assurément celui qui aura eu le plus de retentissement parmi tous les meurtres crapuleux que vont commettre les membres de la secte de Charles Manson durant l'été de 1969. La famille Manson assassinera froidement au moins 9 personnes cet été-là. I noted, for example, the coverage of the Charles Manson case when I was in Los Angeles. J'ai été frappé par la couverture médiatique du procès de Charles Manson lorsque j'étais à Los Angeles. L'affaire était à la une des journaux à tous les jours et plusieurs minutes lui étaient consacrées quotidiennement à chaque bulletin de nouvelles de fin de soirée. Here is a man who was guilty, directly or indirectly. Voilà un homme qui est coupable, directement ou indirectement, de 8 meurtres gratuits et qui pourtant, lorsque l'on s'attarde à sa couverture médiatique, semble être devenu un personnage célèbre. As far as the coverage was concerned, appeared to be rather a glamorous figure. Le président Richard Nixon, en août 1969, dans cet extrait, le président américain évoque l'affaire Manson pour critiquer le travail de certains médias qui font de certains criminels de véritables héros, selon lui. Cette déclaration où le président Nixon présume de la culpabilité de Charles Manson va d'ailleurs avoir un certain écho et créer beaucoup de remous à l'époque. Pour nous raconter cette sordide série de meurtres perpétrés par la famille Manson, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord du noyau central de cette famille Manson, Charles Manson lui-même. Qui est Charles Manson, Karine Prémont? Charles Manson est né en Ohio en 1934. Il est né d'une mère célibataire, une mère très jeune qui avait 15 ou 16 ans au moment de sa naissance. Le père ne l'a jamais reconnu. D'ailleurs, il y a plusieurs doutes sur la paternité possible dans son cas. Et Manson a été un criminel de carrière de façon assez claire. Il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Au moment des meurtres, il avait passé plus de la moitié de sa vie dans des centres de détention, dans des prisons, pour différents types de crimes, des vols, essentiellement vol de voiture, mais aussi des fraudes, du proxénétisme. Donc, il a trempé dans toutes sortes de magouilles et il a passé sa vie à errer un peu partout, à prendre ce qu'il y avait disponible, puis ensuite à être en prison, à s'évader, à retourner en prison. Donc, c'est une vie de crime, de petit criminel, en fait, qui sera la sienne toute sa vie. Scénario assez classique, milieu familial très, très difficile. Mm-hmm. La mère est carrément alcoolique, elle est alcoolique. Elle aussi a passé une bonne partie de sa vie en prison. Alors, le petit Charles Manson a été, lui, placé en différents centres d'accueil pendant ces périodes-là. Qu'est-ce qui fait qu'il décide, à un moment donné, et comment il en vient à créer cette secte qu'il va appeler la famille? En fait, Manson va déménager à Los Angeles au milieu des années 1950 et il a déjà un caractère extrêmement colérique, extrêmement violent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes en société. On présume qu'il avait quelques problèmes mentaux aussi, quelques maladies non diagnostiquées. Donc, c'est quelqu'un qui est très difficile à contrôler, à cerner. Il va déménager à Los Angeles pour recommencer un peu sa vie. Il est marié à cette époque-là à un jeune enfant, donc déménage à Los Angeles. Mais très rapidement, il va se constituer une espèce de communauté. Évidemment, sur la côte ouest américaine, c'est à la mode, ce mouvement hippie, ces communautés. Donc, il va rassembler autour de lui, en fait, plusieurs jeunes personnes, essentiellement des jeunes femmes. À la fin des années 60, là, ils sont une quarantaine de personnes à peu près. Ces chiffres-là ce nombre-là va fluctuer au cours des années. Et il rassemble autour de lui, autrement dit, des paumés, essentiellement, des gens dont les parents les ont mis à la porte, des drogués, des gens qui ont un passé criminel ou des problèmes psychiatriques, effectivement, des gens qui sont en quête de solutions. Et Manson est extrêmement charismatique. C'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie, qui dégage une force apparemment assez difficile à ignorer. Donc, il va attirer des jeunes femmes. Et ces jeunes femmes-là, à leur tour, vont attirer des jeunes hommes, évidemment. Et donc, quand on ajoute à ça la drogue, les petits crimes, bien, c'est en gros ça, la famille Manson dans les années 60. Puis en fait, ils vont vivre... c'est un gourou pour ces membres-là. C'est vraiment un gourou. Il se présente comme Jésus-Christ ou comme le diable, dépendamment des circonstances. Donc, il joue beaucoup sur les termes bibliques, sur le langage biblique. Il se présente effectivement comme un guide, comme une lumière pour les gens égarés. autres. Puis il exploite carrément tout ce beau monde qui voit Dieu ou le diable, mais Dieu surtout en lui. Oui. Petite criminalité. Comment vit tout ce beau monde, en fait? Manson, en fait, leur dit, vous devez aller chercher de l'argent, vous devez aller chercher de la nourriture, vous devez aller chercher de la drogue pour tout le monde. Alors, il envoie, autrement dit, les membres de sa famille commettre ses crimes, puis ramener les choses ensuite qui sont partagées. Évidemment, il se sert en premier. C'est toujours un peu le principe des gourous. Alors, il se sert en premier avec les femmes aussi, il faut le dire. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui exploite effectivement les autres, comme vous l'avez dit, pour rester assis, en fait, et profiter un peu de ces crimes-là. Lui-même est très peu impliqué à ce moment-là parce qu'il a trouvé, en fait, une façon de ne pas retourner en prison, c'est de faire commettre les crimes par les autres. Et dans ces crimes, beaucoup des filles de la famille vont carrément se livrer à la prostitution pour nourrir Dieu. Oui, exactement. Charles Manson. La musique, c'est assez fascinant dans sa vie et dans son destin, va vraiment occuper une grande, grande place dans la vie de Charles Manson. Manson va même ambitionner à un moment donné carrément de faire carrière professionnellement en musique. Cette chanson qu'on entend, chanson des Beach Boys, Karine Prémont, Never Learn Not to Love, c'est d'abord Charles Manson qui en écrit les paroles. En fait, Manson va graviter, je dis d'abord parce que ça va être revu un peu par un des membres des Beach Boys, mais c'est son texte au départ. Mm-hmm. En fait, il va graviter un petit moment dans l'entourage des Beach Boys, Charles Manson. Oui, parce que Manson a appris à jouer de la guitare en prison et très rapidement, il va s'imaginer qu'il a un avenir de rockstar, qu'il a un avenir dans la musique. Et à Los Angeles, évidemment, c'est facile à cette époque-là de tomber sur quelqu'un qui est dans un groupe de musique, semble-t-il, qui sont très nombreux. Alors, il va se retrouver à la fin des années 60, 1966-67, dans l'entourage des Beach Boys, par le biais de Dennis Wilson. Et Wilson va, évidemment, devenir un peu copain avec Manson. Il faut dire que Manson arrive avec plusieurs jeunes filles qui sont pas trop regardantes sur un paquet de choses. Il arrive avec de la drogue, il arrive avec aussi ce charisme qui est le sien. Et Wilson va l'intégrer à son entourage, va lui permettre d'enregistrer des chansons dans son studio d'enregistrement, va lui faire rencontrer des producteurs aussi qui vont venir l'écouter de temps en temps, avec peu de résultats essentiellement. On considère, bon, qu'il a pas suffisamment de talent pour percer. Mais Manson va finir par rencontrer le producteur Terry Melcher, qui va l'écouter, qui va aller l'écouter à son ranch en banlieue de Los Angeles et qui va finalement lui dire, bof, t'es bon, mais pas tant que ça, alors ne lui offrira pas de contrat. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Melcher, en fait, habite à Cielo Drive, dans cette maison qui sera celle de Sharon Tate quelques mois plus tard. Et on va comprendre que c'est important dans le fil de l'histoire que cette maison. Et tous ces échecs-là auprès des producteurs, avec l'influence négative de Manson aussi sur Dennis Wilson et les Beach Boys, vont conduire le gérant de l'équipe éventuellement à l'été 68 à l'expulser, en fait, de la maison de Dennis Wilson et à l'expulser de l'entourage des Beach Boys. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop. Cette chanson des Beatles, Helter Skelter, Karine Prémont, va aussi être déterminante dans la vie de Charles Manson. Pourquoi? Il semble que ce soit le catalyseur de toute la pensée sordide de Manson, dans la mesure où, quand il entend cette chanson-là, ce qu'il voit, ce qu'il comprend de cette chanson-là, c'est une période apocalyptique qui s'en vient très bientôt. Une période apocalyptique dans laquelle les Blancs et les Noirs vont s'affronter aux États-Unis. Manson imagine que les Noirs vont être victorieux, mais qu'ils seront trop désorganisés, trop peu disciplinés, en fait, pour mener la révolution à bien. Et cette révolution-là n'est jamais très clairement définie dans le cas de Manson. Mais donc, que les Noirs vont avoir besoin de son aide, de son soutien, en fait, et donc qu'il sera le guide ultime, qu'il sera le chef de cette révolution-là pour rétablir l'équilibre au sein de la société. Et il se présente effectivement encore auprès de ses membres, auprès de sa famille, comme étant la personne, la seule personne capable de discipliner les Afro-Américains dans cette lutte qui est la leur et dans la révolution qui devrait s'en suivre, évidemment. Comment ça commence, cette série de... Et là, on tombe dans la séquence sordide de l'émission, mais vraiment, on s'engage, ça va se produire durant l'été 69, on s'engage dans une série de crimes, tous plus sordides les uns que les autres. Dans quel contexte débutent les meurtres en série de la famille Manson à l'été de 1969, Karine Brémond? C'est vraiment, en fait, printemps, début de l'été de 1969, que l'emprise de Manson est la plus forte sur ses disciples, sur sa famille. Il va utiliser le prétexte du refus de Melcher de l'endisquer, en fait, pour se mettre à tuer des gens, en fait, en disant aux membres de sa famille, ben il faut enclencher nous-mêmes cette révolution-là, et pour ça, il faut tuer des gens, il faut commettre des crimes, il faut instiller un certain sentiment de crainte pour que les choses se mettent en branle. Et il va retourner en mars 69, donc ça commence un peu comme ça. En mars 69, Manson va partir à la recherche de Terry Melcher, justement, pour lui demander des comptes, pour essayer de le convaincre de l'entendre de nouveau. Et vont se rendre deux fois à la maison du producteur, mais il n'y est plus. Il apprend que d'autres personnes y vivent, et c'est Sharon Tate, c'est Polanski. Donc, il se fait évidemment mettre à la porte, mais il va en profiter pour se promener un peu. C'est une très grande propriété. Il y a une maison pour les visiteurs, il y a la maison du gardien. Donc, il se promène un peu sur le terrain. Et c'est ça qui fait que tout s'emboîte ensuite. Ensuite, en juin, il va envoyer un des membres de sa famille s'en prendre à un vendeur de drogue, Bernard Crowe, pour lui voler de l'argent. Et puisque, finalement, il se fait tuer, M. Crowe, par Tex Watson, Manson va dire, bon, ben j'ai les Black Panthers à mes trousses, Crowe étant afro-américain, il va se servir encore une fois de ça comme prétexte pour transformer son petit ranch en camp fortifié, pour lancer sa famille, en fait, dans une série de crimes en disant, il faut prévenir les Black Panthers que je suis la personne qu'il leur faut. Et c'est comme ça qu'il va démontrer, d'une certaine façon, sa capacité à mettre en branle cette révolution. Mmh. Et là, il y aura d'autres meurtres qui vont... parfois, c'est carrément accidentel, mais il y a quelques meurtres qui vont suivre là, dans les jours, semaines qui suivent. Oui, notamment en juillet, là, il y a le meurtre de Gary Inman, qui est une connaissance de Manson. Et Manson, maintenant, ne se contente plus d'envoyer sa famille récolter de l'argent. Il leur donne comme consigne, tuez-les. Prenez leur argent, prenez tout, tuez-les. Il faut envoyer un message, il faut montrer qu'on est prêt à tout pour cette révolution et faites-le savoir. Donc, c'est là qu'on commence à inscrire différents types de messages sur les murs et que, justement, la brutalité là, commence à prendre toutes sortes de formes et à prendre des proportions, en fait. Et chaque meurtre alimente le suivant. Il faut dire, encore une fois, que la consommation de drogue fait partie aussi du rituel. Et Manson donne des consignes très claires. Vous êtes, effectivement, les plus brutaux possibles. Le 9 août 1969, on y revient. L'actrice américaine Sharon Tate, la compagne donc de Roman Polanski, est assassinée sauvagement par la famille Manson. Qu'est-ce qui se passe ce fameux soir du 9 août 1969, Karine Brémond? Manson va envoyer quatre membres de sa famille à cette adresse et leur ordonne de tuer toutes les personnes qui s'y trouvent. Ça veut dire effectivement Sharon Tate, qui est une actrice bien en vue à ce moment-là et qui est aussi enceinte de 8 mois et demi et qui est en compagnie de 3 de ses amis et qui seront tous tués de façon plutôt abominable. C'est la panique généralisée et les images, pour ceux qui auront eu la malchance de les voir, sont tout à fait atroces. Là. C'est une boucherie, ni plus ni moins. Les victimes tentent de s'enfuir et on les attrape, on les tue avec tout ce qu'on trouve sous la main. Il y aura une autre victime aussi, Stephen Parent, qui visitait, lui, le gardien de la maison, situé un peu plus loin sur le terrain, qui sera aussi assassiné. Les mots « pigs » seront écrits, « Helta Skelter » seront écrits un peu partout, avec le sang des victimes également. Et de démêler toute cette scène de crime, d'essayer de trouver des traces, des indices, des preuves. Ça a été très difficile en raison de l'état des lieux, nécessairement. Bon, évidemment, ce meurtre de Sharon Tate, parce qu'elle est, vous le disiez, c'est quelqu'un de très, très en vue. Elle est très connue à ce moment-là. C'est la conjointe de Roman Polanski. Ce meurtre-là va... probablement de tous les meurtres de la famille Manson, être celui qui aura la plus grande résonance. La presse va s'emparer de cette affaire-là. En plus, vous l'avez dit, c'est dans des conditions complètement sordides que se produisent ces événements. Donc, la presse s'empare de l'affaire, pas toujours de manière très élégante. On écoute Roman Polanski en parler à Jean-Pierre Elkabbach à l'émission française « Question de temps » en octobre 1979. Ce qui était terrible et tragique, aussi tragique que la disparition de ma femme et de mes amis qui étaient dans cette villa cette nuit-là, était le, qu'on les a assassinés deux fois. La seconde fois, c'était la presse. Parce que la presse ne pensait pas que c'était des assassins. C'est eux qui sont entretués dans une orgie de drogue, de magie noire, de je ne sais pas quoi. Il y avait tout dans la presse. Si vous voyez les titres des journaux... Je les ai lus, je les ai vus. Enfin, on arrangeait tout. On oubliait qu'elle était enceinte. Une femme qui est 8 mois enceinte n'a pas envie de faire des orgies, de se droguer, enfin, sauf s'il est complètement... anormal. Mais... Tout ça, c'était la recherche du sensationnalisme qui a créé. Et est-ce que vous y pensez encore beaucoup? Non, je pense moins maintenant. On essaye de l'écarter. On oublie, ça n'existe plus. Vous voyez, à ce point-là que j'oublie des détails. Quand on me demande certaines choses qui s'est passées après la mort de Sharon, je ne me rappelle plus. Alors, ces meurtres de la famille Manson, Karine Prémont, le meurtre de Sharon Tate, bien sûr, mais d'autres meurtres aussi, vraiment, on en parle beaucoup aux États-Unis à ce moment-là. Les médias s'en emparent de tout ça. Parce que, d'abord, c'est spectaculaire comme crime, parce que ça touche des personnes riches qu'on considère habituellement comme étant protégées de ce genre d'événements-là. Et c'est pour ça que ça va créer une paranoïa, une panique extraordinaire à Los Angeles, parce que là, les vedettes vont se barricader, on craint pour notre sécurité, les gens ne se sentent plus en sécurité. Et les gens du mouvement hippie ou les gens qui vivent en communauté vont être rapidement ostracisés en disant, ben c'est peut-être eux. Mm-hmm. Donc, très rapidement, on va associer ce mouvement-là à la criminalité. À la drogue, effectivement, mais aussi aux crimes très brutaux de Sharon Tate. Et puis après Sharon Tate, il y aura un autre épisode qui est tout aussi horrible, en fait. Un couple, la Bianca, qui vont être les victimes, parlez-nous de ça un peu, de la famille Manson. Mais en fait, c'est dès le lendemain. Manson était extrêmement insatisfait de la façon dont les membres de sa famille avaient assassiné Tate et ses amis, parce que justement, ça avait dégénéré très rapidement. C'était pas très propre d'une certaine façon. Et Manson a dit, je vais vous montrer comment on fait. On va aller s'exercer, entre guillemets. Et on arrête, la voiture arrête devant la maison des LaBianca, qui sont des propriétaires d'épicerie à Los Angeles, qui sont un couple assez fortuné. On est dans un quartier cossu. Et Manson connaît l'endroit pour être venu faire la fête à quelques occasions dans le coin. Alors, il connaît le secteur. Et Manson va entrer dans la maison, va immobiliser les LaBianca et ensuite va quitter et va dire à ses adeptes, allez tuer ces gens-là. Mm-hmm. Et encore une fois, ce sont des meurtres très brutaux. On va inscrire, on va graver des mots sur la peau des gens. On va utiliser leur sang pour envoyer les mêmes messages. Donc, on est dans le même débordement très clair. Et Manson avait envoyé un autre groupe à un autre endroit pour tuer d'autres personnes, mais finalement, ça ne s'est pas produit. On a changé d'idées. Donc, ça s'est arrêté cette journée-là au LaBianca. Au total, en fait, puis il y aura quelqu'un qui travaille au fameux ranch de la famille Manson. Au total, dans quelques semaines, en fait, dans l'été 69, au moins neuf personnes vont être victimes de la famille Manson. Ils seront rattrapés, Charles Manson et ses disciples, par la police en 69. Comment la police réussit-elle à remonter à eux? En fait, au début, on ne remonte pas à eux à cause des meurtres, on remonte à eux à cause d'un réseau de recels de voitures et de vols de toutes sortes. Donc, Manson et 25 autres membres de sa famille seront arrêtés au ranch le 16 août, donc moins d'une semaine, en fait une semaine après les meurtres, justement parce qu'ils sont soupçonnés d'être membres d'un réseau de vols de voitures. Donc, des perquisitions sont faites, on va trouver des armes, on va trouver des indices, mais puisque le mandat de perquisition est mal daté, on ne pourra pas retenir ces éléments-là contre eux. Et ça prendra plusieurs mois avant qu'on fasse tout d'abord un lien entre les différents meurtres, parce que de prime abord, c'est pas du tout le cas. On étudie tous ces cas-là de façon séparée, mais ce sera en octobre, également suite à des témoignages les copines de certains membres de la famille, des proches, etc. Donc, il y aura des dénonciations, des délations, des témoignages qui vont permettre de remonter jusqu'à Manson et à sa famille pour les meurtres. Ils seront arrêtés pour ces meurtres-là le 1er décembre 69 suite à différents témoignages. Et le procès va commencer, le procès de tout ce beau monde commence le 5 juin juin 1970. Ça va être très long. Comment ça va se dérouler, ce procès, Karine Prémont? Ce sera extrêmement chaotique, on peut l'imaginer, parce que Manson est déjà un être fort complexe, fort tourmenté, on peut au moins dire ça, et les membres de sa famille tout autant, en fait. Alors, on va voir un procès qui va s'étendre jusqu'en janvier 71 et qui va être marqué par de nombreux rebondissements, plusieurs complications, notamment des témoins qui mentent, qui passent leur temps à changer de version, et ça arrive très fréquemment. Manson qui se défend seul, qui tient souvent des propos incohérents, qui va arriver à un moment donné la tête rasée, on le sait. Il s'est gravé un X sur le front, qui deviendra une croix gammée quelques années plus tard. Les membres féminines de la famille qui sont encore en liberté font beaucoup de grabuge, en fait, entrent dans la salle du procès, chantent des chansons, crient, invectivent tout le monde, et ça dérange aussi beaucoup. Les femmes qui sont accusées font tout pour disculper Manson également de ces crimes-là et s'en mettent encore plus sur le dos. On va changer de juge. Manson va tenter de s'en prendre physiquement à un juge à un moment donné. Donc, c'est vraiment là un fouillis complet que ce procès. C'est très difficile de maintenir l'ordre. Mais en même temps, les nombreux indices laissés sur place par les tueurs vont les rattraper et tous ces gens seront finalement condamnés pour meurtre à la fin de ce procès. Qu'est-ce qu'il va devenir, Charles Manson, à la suite de ce procès? Charles Manson va échapper à la peine de mort, même s'il a été condamné à être exécuté, parce que la Californie va abolir la peine de mort en 1972. Alors, sa peine sera commuée en peine de prison à vie, tout comme celle de ses co-accusés également. Et il va devenir, c'est un peu paradoxal de le dire, mais il va devenir une vedette médiatique, en fait, une vedette instantanée, parce que ça va avoir un tel retentissement qu'il va utiliser toutes les tribunes possibles pour se faire connaître. Il va donner beaucoup d'entrevues, notamment dans différents médias. Il n'est jamais repentant, ceci étant dit. La plupart du temps, il tient des discours qui sont un peu difficiles à suivre, discours plutôt religieux, musical, un peu complexe. C'est quelqu'un qui va fortement marquer la culture populaire aux États-Unis aussi. Des films, des livres, des téléséries, des chansons, notamment un disque qu'il aurait enregistré dans le studio de Wilson va sortir dans les années 70. Évidemment, devant les protestations, on va finir par le retirer. Mais de façon plus contemporaine, il y a des artistes qui vont utiliser Manson encore pour faire de la promotion, notamment le chanteur Marilyn Manson, qui va utiliser le nom de famille avec le prénom de Marilyn Monroe pour justement souligner cet aspect particulier de la culture américaine, et d'autres artistes qui vont en disquer des chansons de Manson en catimini sur leur album à la fin, par but de provocation purement et simplement. Donc, ça devient une espèce d'icône du mal absolu, d'une certaine façon, mais en même temps qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir connaître, de vouloir comprendre. Avec une récupération assez troublante, ce que vous venez de nous décrire par certains artistes de l'époque contemporaine. Karine Prémont, merci beaucoup. Merci. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.